Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. On l'appelle la fiancée du danger. Marie Marvin aime se dépasser et aller toujours plus loin. Ce qu'elle cherche, ce ne sont ni ses clés, ni ses tongs, mais les exploits. Tir à l'arc. Ski, saut à ski, patinage de vitesse, luge, bobsleigh, aviation, rien ne peut l'arrêter. Le coup en guirlandé de médailles, la tornade Marie Marvin a bousculé le monde du sport jusque-là largement réservé aux hommes. Poussez-vous là! Chaud devant! Marie a aussi une tête sacrément bien faite. Elle a étudié la littérature, le droit, la médecine, elle écrit des poèmes et des articles dans la presse. Sportive, aventurière, journaliste, infirmière de guerre, elle est, selon le célèbre journal américain, le Chicago Times, la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc. Elle a inventé le ski de sable. Et Willor, pour skier dans le désert. La jupe culotte. Vous avez déjà essayé de pédaler en jupe? Et les avions ambulances. Diablement pratiques pour soigner et évacuer les blessés. Elle a aussi combattu dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale. Voici l'odyssée d'une dure à cuire, d'une... Pousse. Marie, mais comment vous faites pour tenir? Je bois beaucoup de jus d'orange. Ah bon? Mais vous avez vraiment fait tout ça? Entre nous, il n'y aurait pas quelques petits, tout petits, mini-cracks là-dedans? Je ne vous permets pas alors, hein? Entre vérité et légende, j'ai repoussé les limites, j'ai inventé ma vie. Oh oui, bien sûr, je comprends. Pionnière du sport et de l'aviation, aventurière audacieuse et sacrément courageuse, voici l'odyssée de Marie Marvin, la femme aux mille et un exploits. La femme la plus ébouriffante de l'histoire de France, née en 1875 et grandit au nord-est de la France, dans la ville de Nancy. C'est dans cette ville de pierre blanche, posée sur les rives de la rivière Meurthe, là, dans la capitale de la Quiche-Lorraine, qu'elle demeurera toute sa vie. Mais pour l'heure, Marie n'en est encore qu'à ses jeunes années. Son corps d'enfant respire à plein poumon, ses petites mains agiles arrachent sans pitié les herbes folles. Et tandis que ses grandes pupilles noires découvrent malicieusement le monde, son père, Félix, passionné de sport, lui transmet son amour du dépassement. Si tu peux ramper à quatre pattes, ma fille, tu peux nager. Allez, hop! Et ainsi, la petite apprend à nager en même temps qu'elle apprend à marcher. À 6 ans, elle nage 4 km dans la rivière. Oh, pétard, balèze! Vas-y, Marie, vas-y! Te laisse pas faire par le courant, bats-toi! Voilà, bats-toi, utilise ton corps, tes bras, c'est bien, tes jambes aussi, tes jambes! On lâche rien, Marie, rien du tout, t'entends? Vas-y, continue! Allez, vas-y, Marie, vas-y! Marie! Marie! Marie! Allez, on continue! Attention, trapèze volant! Wouhou! J'arrive! Après les arts du cirque, elle passe au vélo. Marie a 11 ans. Elle fonce à travers la ville, aussi rapide que l'éclair. Une fille à vélo à cette époque, c'est extrêmement rare. Marie choque, elle dérange. À Nancy, ça jase un peu partout. Oh purée, non, mais j'ai pas dit ça jase! J'ai dit ça jase! Ah bah oui, voilà, on y est, c'est mieux. Le sport en ces années-là est réservé aux hommes. Ce sont eux qu'on laisse courir après la baballe, plonger, nager, skier. Ce sont les corps des hommes qu'on exerce afin qu'elles soient robustes et endurants. Pas ceux des femmes. Des muscles trop développés, ça gâcherait leur silhouette. Les femmes perdraient en grâce et en délicatesse, non? Et qui sait si le sport pratiqué à haute dose, ça menacerait pas leur fertilité? N'oublions pas que le rôle de la femme, c'est de devenir mère de famille, quand même. Ouais, ben voyons. Marie, en tout cas, ne tient pas en place. Son corps, faut qu'il se dépense, qu'il bouge. À 25 ans, c'est une sportive, une championne accomplie qui relève tous les défis. Nage, canoë, tir à la carabine et même escalade en très haute montagne. Aucun sommet des Alpes, ou presque, ne lui résiste. Dans les glaces, Les neiges, suspendues dans le vide, le ventre collé à la roche, elle s'accroche. Ses biceps, ses cuisses, ses abdominaux brûlent. Elle tient bon. Elle se hisse et s'élève de plus en plus haut. Marie multiplie les exploits, et pas seulement dans le domaine de la grimpe. Elle finit 20 fois première en saut à ski, patinage de vitesse, luge et même bobsleigh. Youhou ! Waouh ! Ça décoiffe ! Il est temps d'aller un peu plus loin. En 1908, Marie décide de participer à l'une des plus prestigieuses compétitions de vélo, le fameux Tour de France. Les organisateurs refusent son inscription sous prétexte qu'elle est une femme. Qu'à cela ne tienne. Tous les jours, elle prend le départ, ni vu ni connu, quelques minutes après les hommes. Oula, ça cogne le soleil, hein, et puis... Ah, ça grimpe, hein. Marie, je me demandais, mais qu'est-ce qui vous plaît autant dans le vélo? J'ai pas les moyens de me payer de taxi, alors ça me rend service. De toute façon, je les dépasse tous. Ça y est, je crois qu'on est arrivé. À 33 ans, Marie serait parvenue à terminer la course, devenant ainsi la première femme à participer au Tour de France. Maxi youpi! Demandez le journal, demandez le journal. Marie Marvin au sommet, la première femme à faire le Tour de France. La sportive fait la une de tous les journaux. Un nouvel exploit pour la fiancée du danger. On l'encense ou bien on la moque, demandez qu'importe. Elle montre au monde entier qu'une femme peut pratiquer les sports, tous les sports, aussi bien qu'un homme. Et souvent mieux d'ailleurs. Marie n'est pas seulement une grande athlète. Sous sa poitrine, bat l'authentique cœur d'une aventurière. Oh purée. Ouh. Mais ça caille là tout d'un coup, non? Un peu, mon neveu. On est à 2000 mètres d'altitude, Laure. Ça parle les poètes. Nous sommes à bord d'une montgolfière. Regardez, l'infini se déploie, là, devant nous. Nous cajolons les nuages, nous volons. Wouhou ! Nous sommes le 26 octobre 1909. À 11h ce matin, Marie a quitté Nancy, à bord de l'Étoile filante, un superbe ballon de caoutchouc. Elle est accompagnée par Émile Garnier, dont c'est le premier vol. Entre nous, je crois que notre pilote ne sait pas très bien où elle va. Mais bien sûr que si, Laure. Nous survolons actuellement la Hollande. Le temps est radieux, alors j'ai décidé de traverser la mer du Nord jusqu'à l'Angleterre. Oh pétard, les vents sont toujours contraires par ici. On n'est pas rendu. Le soleil se couche. Dans le ciel rouge, incendié d'or, l'Étoile filante vole au-dessus de la mer. Vers minuit, la neige commence à tomber. Oh oh, et de plus en plus fort, on dirait. L'eau alourdit le ballon qui perd en altitude. Purée, si on continue comme ça, on va se noyer. Garnier, faut lâcher du lest. Marie et son passager jettent tout ce qu'ils peuvent par-dessus bord. Sac, nourriture, vêtements et non pas moi, merci. Rien n'y fait. La nacelle ne fait que descendre. Elle se rapproche dangereusement de la mer. Elle touche l'eau à 50 de ventre. J'avais dit qu'il ne fallait pas y aller. Enfin, vers 1h du matin, les côtes anglaises apparaissent. Le ballon vole si bas qu'il percute un arbre. Marie est éjectée dans les airs. La montgolfière, emportée par le vent, finit par s'échouer 3 km plus loin. Alors Émile, il était salé ce baptême de l'air, hein? Émile? Émile? Mince, il est tombé dans les pommes. Bon ben, il n'y a plus qu'à faire des beignets. Marie a rejoint l'Angleterre depuis Nancy en traversant la mer du Nord en 14h30. Waouh ! Encore un exploit ! Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'année suivante, Marie devient la troisième femme au monde à obtenir sa licence de pilote. Vous êtes prête, Laure ? C'est parti ! Je mets les gaz ! Oh non ! Encore ! En 1909, elle est la première pilote qui réussit à parcourir 45 km en 53 minutes. Wow ! Sacré record ! Les années passent. Notre aventurière refuse de se marier et d'avoir des enfants. Je suis pas une tarte, alors pourquoi je devrais rentrer dans le moule ? Au milieu de tous ses exploits, elle étudie la littérature, les langues, la médecine et devient infirmière. Bon, à première vue, ça n'a pas trop de rapport avec la choucroute. Mais en fait, si. Avec des avions, on irait beaucoup plus vite. Mollo, Marie, mollo. Plus vite pourquoi ? Mais pour transporter et soigner les blessés. Imaginez le temps qu'on gagnerait. Le nombre de vies qui pourraient être sauvées pendant les guerres. Bingo ! Il faut fabriquer des avions-ambulances. Oh, quelle femme ! Des années durant, Marie sillonne le monde, en Inde, aux États-Unis, en Afrique, afin de récolter des fonds pour financer leur construction. Bon, ça prend un peu de temps, mais qu'importe. Ces avions-ambulances, elle finira par les voir voler. Hélas, nous n'y sommes pas encore. Pour l'heure, l'Europe est à feu et à sang. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Marie est sur le front. Elle se porte pilote volontaire et participe à deux bombardements, puis, habillée en homme, elle combat dans les tranchées. Bon, ça, c'est ce qu'elle a raconté, et entre nous, on n'en est pas tout à fait sûr. Comme le coup du Tour de France, d'ailleurs. Peut-être un peu baratinée sur les bords, Marie aurait également passé son brevet de pilote d'hélicoptère à 84 ans, puis, deux ans plus tard, elle aurait rejoint Paris depuis Nancy en vélo. Oh, ah, bah quelle santé! Alors oui, il est probable qu'elle ait un peu pipoté ici et là, mais faut bien reconnaître qu'à l'époque, fallait en faire des kilotonnes pour se faire une place dans ce monde d'hommes. Il n'en reste pas moins qu'elle a révolutionné le monde du sport. Grande championne, pionnière de l'aviation, de l'alpinisme, elle a contribué à libérer le corps des femmes. Elle a ouvert la voie. Elle a foncé toujours droit devant, le plus loin possible. Marie Marvin est une étoile filante. Marie ? Marie ? Bah, où êtes-vous ? Bah, j'ai filé, Laure. Comme une étoile. Derrière cet épisode, il y a Titouan Oex, Basile Bocquer, Marion Lollet, Alice Rouet, Fanny Leroy, Laetitia Gaillet et Bibi, Laure Grand Besançon. Marie a révélé les secrets de sa forme dans une interview. Primo, elle ne dort que 1h30 par nuit. Deuxio, elle fait 5 à 6 petits repas par jour. Enfin, tertio, elle ne mange jamais de bœuf Bowie. Mais non, pas David Bowie. Bouilli de bœuf bouilli. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.